Afrida, maman Amaï, moi c'est qui toque, mais sans autre kilo maman. Na bondelio Afrida, dikelanga na no mwantango na kanisa, je suis dans l'impasse. Et comme ikoyelanga, lokola ndeli suma na baninga, ngana koka moi. Na bondelio Afrida, dikelanga na no mwantango na kanisa, je suis dans l'impasse. Et comme il koye langai, lokola ndeli suma na baninga, ngai na koka moi. Bako mi kojere ba sentiment na ngai, dele la keba na bakunge. Bataka ba kutu leki Kumbisa ba diske do Zahir tembe nye Yeah!